Édition de mars 2014. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des Éditions de l'Avenir. Christian Martin au microphone. Voici comment j'ai passé mon temps en février. Moi qui n'avais pas l'intention de regarder les Jeux Olympiques, sauf pour les tournois de curling, j'ai finalement passé plus de temps devant la programmation de Sochi que prévu. Rarement les compétitions en direct, sauf pour les derniers matchs des Canadiens au curling et au hockey. Il faut dire que 9 heures séparent Sochi du Québec. Mais je me reprenais avec enfin Sochi et bon baiser de Sochi. J'ai particulièrement apprécié cette dernière émission pour ses entrevues en profondeur avec les athlètes, commentateurs et analystes. Je me suis bien sûr réjoui avec l'athlète qui rencontrait ou dépassait ses espérances et j'ai vécu la déception avec celui qui en connaissait une. Mes remerciements donc aux athlètes pour avoir tout donné dans des circonstances parfois difficiles et mes remerciements aux artisans de Radio-Canada et ses partenaires pour leur couverture des Jeux. Ceci dit, je n'ai pas que regardé les JO en février. J'ai continué à préparer les futures nouveautés audio hebdomadaires des Éditions de l'Avenir. J'ai fini de monter les parties 2 et 3 de l'entrevue réalisée avec André Bory et Marie-Christine Bussière. J'ai réalisé une seconde entrevue, cette fois avec Greg Silverson, qui sera diffusée dans l'émission de mai. J'ai travaillé sur les 4 prochains épisodes du PC Show avec Paul Courtemèche, pré-production de l'épisode 15, révision des épisodes 16 et 17, et premier jet de l'épisode 18, et j'ai planché sur la révision de Complot sur Alpa, la première aventure de Carlin Novi, roman de science-fiction pour les jeunes, pour son éventuelle publication en e-book. Très très brève anecdote d'Aristide Filiatro ce mois-ci. Série de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatro, les éditions de l'avenir présentent Embardé. Savez-vous ce que c'est qu'une embardée? Non. C'est d'essayer de faire manger un bœuf avec une cuillère. Voyons un peu ce que nous a préparé Jean-Seb. Ici Jean-Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des Éditions de l'Avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique, disponible sur le net. Hey! Le printemps arrive à grands pas! Les corneilles et les jais bleus sont commencés à arriver, les acériculteurs sont fébriles, et moi, je commence sérieusement à manquer d'oreilles pour tout écouter les podcasts auxquels je suis abonné. Mais le plus important, surtout, je fais des découvertes fabuleuses. La communauté qu'on l'appelle balado-diffusion, podcast, radio à la carte ou sur demande au Québec est vraiment en train de se structurer, d'émerger. Je ne sais pas au juste, mais il y a vraiment une effervescence qui se déroule en ce moment même. J'ose croire que ce n'est pas seulement parce que je commence à prendre part dans cet univers qui fait que j'en prenne conscience. Oui, j'ai fait des découvertes. Il faut s'entendre qu'il faut quand même bien 4-6 épisodes et même souvent plus avant que le tam-tam d'un nouveau podcast commence à générer des échos. Pour l'un de ceux-ci, cependant, je ne peux pas dire qu'il s'apparente au tam-tam. Selon moi, ce podcast fait plutôt office de taïko dans la communauté podcastienne francophone. Le réacteur nucléaire du podcast Parlons Balado est alimenté en premier lieu par deux atomes de l'équipe de la Force G, soit Maxime Duclos, alias Sir Maximum, qui officie en tant qu'animateur et technicien de la balado, et de Jean-Sébastien Chapelot, passionné et néophyte du domaine des balado-diffusions, ainsi que du corpuscule radioactif du stream, soit l'isotope Yann Thériault, l'un des plus anciens podcasteurs du Québec. Hey, j'ai eu le bonheur d'assister à la naissance de ce petit-là. C'est la première fois que je suis en direct l'émergence d'un podcast. Bien sûr, il y a plusieurs podcasts, voire même la majorité pour laquelle j'ai écouté tous les épisodes depuis leur début. Mais c'était en différé. Là, c'est tout neuf. Il y avait juste Yann, que je pensais connaître, qui en avait parlé dans son stream. Mais comme Yann venait d'entreprendre son mois de techno sabbatique, j'ai pas pu en savoir plus que ça. Puis, j'ai vu sur la Twitch machine un lien pour télécharger ce podcast. Il n'y avait pas encore de canal sur iTunes, il y avait le nom de Yann Thériault dans le lot. J'ai compris que c'était ce dont il avait parlé. Vite, dépêche, j'ai téléchargé, mis sur mon lecteur et écouté le lendemain matin en allant travailler. J'ai trouvé leur site internet et chabidoua! Il n'y a pas grand-chose comme annonce de magasin, mais tous les podcasts québécois y sont répertoriés ou sur le point d'y être. La caverne d'Ali Baba de la balado-diffusion, toi chose. Mais ça fait des mois que je gratouille pour les dénicher, ces podcasts-là, moi. Il y en a au-dessus de 60 sur la page. J'en avais presque les larmes aux yeux, comprends-tu? Même que, tu peux pas t'imaginer, les liens aux pages respectives de chaque podcast est fonctionnel. Juste à cliquer dessus, l'espace d'une minute, top chrono, pas plus, c'est certain, j'ai tout sélectionné, j'ai copié, j'ai ouvert mon OneNote et j'ai tout collé ce que j'ai pu, de peur que ça disparaisse. Ça fait que là, j'ai commencé à faire des recherches à partir de ce que j'avais volé. J'ai eu un genre de petit lousse au travail. Parlez-en pas, là. Je me suis mis à me monter un tableau pour classer les informations sur les podcasts. Deux soirées plus tard, je suis retourné sur le site de Parlons Balado pour voir s'il y avait des choses que j'avais loupées ou de neuf à me mettre sous la dent. J'ai alors porté attention à une notice qui était écrite sur le blog juste avant la liste des podcasts. À venir, brève description des podcasts. Fait que là, je me suis alors dit, ah ben tiens, je m'en vais lui faire un cadeau du fruit de mon labeur. Certain que personne a fait la job que je viens de me taper. J'ai dû taponner au moins 2 heures pour pouvoir rejoindre directement un responsable. Je voulais pas faire un commentaire sur le blog. J'avais des informations d'importance capitale contenant un certain formatage informatique devant être remis de mano à mano. Finalement, c'est Pierre-Luc de Trois-Bières qui m'a permis de faire le lien avec Max. En passant, Pierre-Luc, je pense qu'il est l'un des piliers du temple de Twitter. Ils m'ont invité sur leur show. Il a même changé le jour de l'enregistrement du mercredi au mardi parce que j'avais un conflit avec mon badminton. Un peu d'interaction et la communauté des podcasteurs vous reçoit les bras grands ouverts. Toute qu'une aventure d'enregistrer avec d'autres personnes et une épreuve. Moi qui enregistre d'habitude dans mon auto, caché le long des boisés dans le parc industriel, à la base, j'étais assez timide, bien sûr. Et il est parfois difficile au début de s'immiscer dans la conversation quand il y a 5 autres intervenants. Mais le pire, c'est que le micro que j'utilise avec mon enregistreuse pour faire mes audios ne semblait pas assez bon pour Skype. Le son était faible, j'avais beaucoup de coupures. Alors, j'ai essayé de ne pas trop intervenir dans les discussions. Parlons balado, Le concept est simple. Il y a des invités, sommités, spécialistes ou autres individus désirant se faire de l'autopromotion ou non. Il y a des échanges, discussions, questionnements, suggestions autour des podcasts, tout autant autour des podcasts écoutés, les découvertes, comment faire pour démarrer son propre show, le matériel requis, la direction et la place que prend ce média dans la société. Bref, il n'y a pas réellement de ligne directrice stricte, à part que les discussions de passionnés tournent de près ou de loin autour de l'univers des podcasts. Les discussions ne se limitent pas au Québec. Il est aussi souvent, par la bande, question des phénomènes à l'international. Somme toute, ce fut très, très agréable et j'ai cru comprendre qu'ils avaient l'intention de me garder de façon permanente. Si c'est bien le cas, l'offre est acceptée et je suis enthousiaste d'en faire partie. Alors, je vous invite vivement à écouter Parlons Balado pour consulter leur liste de podcasts québécois continuellement en évolution et leurs recommandations pour ceux d'ailleurs dignes de mention dans le monde, afin de sustenter vos oreilles avec le contenu qui vous plaît le plus. Justement, grâce à leur liste, j'ai découvert plusieurs excellentes diffusions, dont La Sphère, émission produite par la Société de Radio-Canada, réalisée par Mathieu Dugal et ses chroniqueurs, François Lemay, Martin Lessard, Fabien Lozac et Véronique Raymond. Cette émission, très professionnelle, est dans un français international, comme tout ce qui est produit par Radio-Canada. Il propose chaque semaine un tour d'horizon de l'actualité, vu à travers les médias sociaux et numériques. Il est également question des répercussions de ces technologies sur la vie politique, culturelle, économique, familiale, etc. Chaque émission, c'est un bonheur renouvelé. J'ai aussi découvert le best podcast ever, les animateurs Sébastien Richer et Steve Charon. La description du podcast, le best podcast ever est une émission plutôt déjantée et comique qui critique tout ce qui touche à la geekitude, jeux vidéo, films, musique et trucs culturels de nerd ou toute personne qui aime la techno. Ils sont désopilants, totalement hyperactifs, c'est un show qui se passe à un rythme effréné. Le ton de ce podcast est de la franche camaraderie. Une autre découverte que j'ai faite est un podcast tout récent qui vient de débuter, au sujet des monnaies électroniques telles que le Bitcoin et tous ses petits cousins. Ça s'appelle le Crypto Geek, animé en solo par Yves Nadeau, qui est aussi animateur du podcast La Zone Geek. Yves nous fait part de ses recherches, de ses connaissances et de l'actualité de ce concept émergent. Il vulgarise très bien les sujets, fait l'occasion d'excellentes entrevues avec des sommités du domaine et amène vraiment à s'intéresser au phénomène de plus près. C'est un podcast naissant ayant à sa barre un podcasteur d'expérience. Si vous désirez vous initier, en apprendre plus ou être au fait de l'actualité, le Crypto Geek est la médecine que je vous suggère. Il y a encore plein de podcasts de cette liste que je t'en rends d'écouter, un pour lequel j'ai très hâte de faire l'écoute, car les échos qui en émanent de la part de la critique des uns et des autres est Souper de filles. Un forfait sourire et confidence tout inclus avec Lynn Boutillette, Valérie Ricard, Audrey Bessner, Audrey Gauthier, Sabrina Veillette-Laprise, Gabriel Caron de Trois-Bières, Andréanne Babin, Fanny Grégoire, Marie-Pierre Caron et Sophie Leduc. Ouh. Bon, encore une fois, je pense avoir dépassé les 10 minutes. J'aurais tellement de choses à vous dire. Je vous invite à me contacter. jshamel99@gmail.com. Pour me retrouver sur Twitter, c'est facile, @jshamel_99. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, sinon faites-vous porter par les autres. À vous, les studios! Merci Jean-Seb. suite du feuilleton « Mazas-Pavel, un monde en héritage » par André Bory. Voici ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Sur Karsak, Mazas reçoit la visite de l'émir. Celui-ci propose à la jeune femme de partir à la recherche de Rabotax III, sorte de cerveau positronique commandant la nef moissonneuse d'un peuple de sauriens depuis longtemps éteint, à laquelle les terriens furent confrontés en 2104. Mazas accepte son invitation. Les éditions de l'Avenir présentent Mazas-Pavel, un monde en héritage, un roman fanique de l'univers de Perry Rodden par André Bory, paru à l'origine dans Basis hors-série numéro 12. Chapitre 1er. Le cœur de Fulmao II venait d'effectuer sa quatrième transition linéaire, s'éloignant de plus en plus de Karsak pour s'approcher d'un groupe d'étoiles situé à la périphérie galactique. Stivomir Hirsing, un grand gaillard dégingandé à la tignasse brune et indisciplinée, s'étira dans son siège contour et s'adressa à son second, Corton Norgaz, un petit bonhomme contrefait au crâne rasé, véritable virtuose de la console de pilotage. Je te laisse les commandes pour quelques heures. Si tu as besoin de moi, je suis dans ma cabine. Le nabo se contenta d'acquiescer d'un signe de tête. Le pilote se déharnacha, se levant en décontractant les muscles de son cou, et quitta d'un pas lourd la centrale de commandement. Parvenu dans la coursive, il hésita un instant, puis modifia son intention initiale et se dirigea vers la salle de repos où se réunissaient les passagers et les membres d'équipage qui n'étaient pas de quart. Le mulot Castor, Mazas et Kalec Voram, un rouquin teigneux d'une quarantaine d'années que la jeune femme avait sorti des géoles des Antilles quelques années auparavant, étaient installés à une table et discutaient devant les reliefs de leur repas. Il les rejoignit et se laissa tomber sur un siège vide. Est-ce que je peux m'inviter ? Fais comme chez toi. Je vois que vous avez fini de manger. Aussi, je vais me contenter d'un verre de Vurgus pour vous tenir compagnie. Sais-tu, Steve, que l'émir n'est pas sympa ? Il ne veut toujours pas nous dire en quoi consiste la surprise qui nous attend sur le monde dont il recherche les coordonnées. Se plaignit Voram. Lilt ricana. Si je le disais, ce serait plus une surprise. La Karsacienne haussa les épaules. Laisse tomber, Kalec. Quand notre ami a décidé quelque chose, il est plus têtu qu'un âne rouge. Et à part essayer de confesser l'émir, de quoi parliez-vous ? Nous étions en train de nous demander une fois de plus s'il n'était pas rien arrivé à la nef moissonneuse depuis qu'elle attend dans ce coin désertique de la galaxie. Et si nous allions la retrouver sans trop de difficultés. Parce qu'un quart de millénaire, ça représente quand même un sacré bout de temps. Expliqua Kalec. Et moi, je le répétais pour la énième fois que dans le No Man's Land où séjourne le vaisseau, il n'avait quasiment aucune sens de recevoir de la visite, même en 250 ans. Autant vouloir disserter sur le sexe des anges. Maugréa le pilote, après avoir trempé ses lèvres dans la liqueur verte qui était sortie de la structure de la table. Bon, d'ici deux jours, vous saurez ce qu'il en est exactement. En attendant, profitez de votre vie de farniente. Après avoir bu une gorgée de liquide, il ajouta « D'ailleurs, ma vieille expérience me dit que cela ne devrait pas durer. En général, La simple présence de Mazas suffit à déclencher des catastrophes. Et je vous rappelle qu'il y a déjà 6 jours que nous sommes partis. Merci, répondit-elle, l'air pincé. Le sauveur de l'univers éclata de rire. Ah, l'amour! L'amour! Je savais bien qu'en vous réunissant une fois de plus, j'allais m'amuser. Mazas, qui s'apprêtait à répliquer vivement, se ravisa et secoua la tête en riant, lançant néanmoins une flèche de part. L'amour, pourquoi pas? Mais il va falloir me trouver autre chose que ça. Tiromon, ancien capitaine franc-passeur du Zulgar 19, rejeté par son clan, avait fini par échouer sur Oobioche où, pour son malheur, il se retrouva destiné au jeu du cirque. Associé avec Rick Pavel, le plus jeune des frères de Mazas, il avait combattu une hydre de talent, y perdant le bras droit. Seule l'arrivée de l'émir à la tête d'une flotte de l'OMU permit de le sauver. À présent, il portait une prothèse et avait été très heureux d'accepter le poste que lui proposait Steve à bord du cœur de Faumalo 2, responsable des communications. Il vouait depuis une grande reconnaissance à celui qui lui faisait confiance malgré ses antécédents douteux et son handicap. C'est avec un peu de perplexité et d'inquiétude dans la voix qu'il bascula le commutateur sur l'interphone général pour annoncer « Dans moins d'une heure, nous devrions atteindre notre objectif, mais juste à cet endroit, les détecteurs perçoivent des flux d'énergie qui pourraient parfaitement être provoqués par des canons à plasma ou quelque chose de la sorte. » Et voilà, ça commence. « Je vous avais bien dit qu'avec Mazas... » s'exclama le pilote en hochant comiquement la tête, mais dont l'œil pétillant prouvait à l'évidence que cet événement imprévu ne lui déplaisait pas forcément. À vrai dire, depuis qu'il avait reçu des mains du Lord Amiral son cœur de Faumalo 2, il s'était contenté, par la force des choses, d'un voyage sans histoire qui ne lui avait pas permis de tester les énormes capacités techniques et militaires de son appareil. Ce qu'il regrettait particulièrement, ainsi que les membres de l'équipage qu'il avait recrutés, pour la plupart, parmi les malheureux promis à la mort dans les arènes d'Oobioche. Le cœur de Faumalo 2 était un astronef sphérique de type chaloupe, de 60 mètres de diamètre avec 15 hommes d'équipage à bord. Exceptionnellement, sur demande d'Atlan, et malgré son statut civil, il avait été doté d'un armement de premier ordre et particulièrement de canons transformateurs comme les appareils militaires de même tonnage, ce qui devait lui permettre éventuellement de se confronter à des vaisseaux de plus grande taille. C'est pourquoi, sans hésiter, Steve ordonna aussitôt « Droit dessus, allure maximale !» Ordre qui fut relayé à Corton Loggez, qui pianota avec habileté sur son clavier pour une brève transition dans l'espace linéaire. Cinq minutes plus tard, le cœur de Faumalo 2 quittait la zone de libération. Leur objectif n'était situé qu'à 3 minutes-lumière et les caméras purent afficher sur tous les écrans les vues de la bataille qui opposait un géant entouré d'un halo défensif faiblissant à une multitude de petits engins virevoltants en forme d'aiguilles noires. « Bon sang, c'est la nef moissonneuse !» s'exclama l'émir, qui s'était précipité vers le poste de pilotage avec ses amis aussitôt que Tiromon avait déclenché l'alerte. « Tu en es sûr ?» interrogea Mazas. « Évidemment. Tu crois que je suis devenu gâteux ? Un cylindre géant de 500 mètres de diamètre pour une longueur de 2 km, avec l'avant en forme de groin ? Pas possible de se tromper !»« Alors il va falloir se porter à son secours, car malgré sa masse, elle me paraît plutôt en mauvaise posture. » intervint Steve. « Doucement, tête brûlée. Tu as vu le nombre des assaillants ?» le tempéra l'agent d'Atlan. « Et toi, as-tu vu l'armement de mon cœur de Faumalo ?» Afin d'interrompre un accrochage éventuel entre le pilote et la jeune femme, Kallek s'enquit. « Qu'est-ce que la nef possède comme arme défensive ?»« Uniquement des narcoradiants, » répondit le mulot castor. « J'aurais dû m'en douter, à voir le nombre de vaisseaux à la dérive. » L'émir prit la direction des opérations. « Steve, tu vas t'approcher le plus possible avec ton écran déployé au maximum. Si tu es attaqué, tu te défends. » « Moi, je vais sauter à bord de la nef moissonneuse et voir comment ça se passe pour Rabotax. » Pas de problème, mais fais bien attention. Avec tous les coups qu'elle encaisse, son écran est en train de céder. Je ne tiens pas à ce que tu sois encore à bord lorsque cela va arriver. Ne t'inquiète pas. De toute façon, quand nous parviendrons sur les lieux, un certain nombre d'assaillants va forcément se détourner de la nef afin de s'occuper de nous. Cela devrait être suffisant pour lui permettre de souffler un peu. Le pronostic du mulot s'avéra tout à fait fondé. Dès que le cœur de Fomalo 2 s'approcha du lieu du combat, une partie des vaisseaux se détourna de sa cible pour se précipiter sur le nouveau venu, en dirigeant sur lui un tir de barrage qui s'écrasa sur l'écran SH, faisant grimper l'indicateur de charge vers le rouge. Merde alors ! On n'a pas affaire à des adeptes de la concertation. Ma parole, ils tirent sur tout ce qui bouge, sans chercher à savoir s'il s'agit d'un ennemi ou d'un ami. C'est malheureusement le cas de bien des civilisations, soupira l'émir. Tirez d'abord, discutez ensuite. Saturation à 92%, signala Corton, interrompant les prémices d'un débat philosophique. Feu ! Se contenta de répondre Steve. Une bordée des canons transformateurs effaça d'un seul coup une vingtaine de machines ennemies, déclenchant une sorte de panique parmi les rescapés qui dégagèrent désespérément dans toutes les directions. L'appareil de contrôle reprit progressivement sa coloration verte. À moi de jouer. L'air brasilla. Et le mulot castor, qui portait le spatiandre spécialement conçu pour accueillir sa queue plate, disparut au regard de ses compagnons. L'émir fit sa réapparition dans le poste central. Bien que le dit poste central n'aurait pas évoqué grand-chose pour un pilote terranier. Cependant, le mulot castor retrouva comme 250 ans auparavant d'énormes blocs métalliques dénués de toute ornementation qui trônaient au centre de la pièce et qui représentaient le commandant du vaisseau, son ami Ravotax III. Bonjour, l'émir. Tu arrives à un bien mauvais moment. Comme s'il s'était quitté la veille. Il est vrai que la notion de temps n'a guère de signification pour une machine. Les premières discussions entre le téléporteur et le robot, il y a un quart de millénaire, s'étaient effectuées sur le mode visuel, à l'aide d'images. Progressivement, un translateur avait remplacé ce moyen simpliste mais long, ce qui leur permit de communiquer avec facilité. L'appareil conçu à cette époque s'était automatiquement enclenché à l'apparition de l'île. Bonjour, Ravotax. Je suis venu à ton secours avec un vaisseau qui est en train de combattre tes ennemis. Peux-tu me dire si ta nef est toujours capable d'effectuer une transition dans l'entre-espace pour leur échapper ? J'ai encore suffisamment d'énergie pour cela, mais les maîtres m'ont demandé de rester ici pour attendre leurs ordres. Je ne peux pas désobéir aux maîtres. Le mulot castor soupira un grand coup. Il savait que les consignes reçues par Ravotax provenaient d'un hyper-émetteur terranien avec lequel Perry Rodden avait abusé le robot commandant, les symboles en impulsion lui faisant croire qu'ils émanaient de ses créateurs. À présent, la ruse se retourna en quelque sorte contre ses auteurs, puisque la nef moissonneuse était prête à se laisser détruire plutôt que de manquer aux ordres reçus. L'émir allait devoir se montrer convaincant et sans perte de temps pour faire admettre au robot qu'il fallait qu'il quitte au plus vite son orbite d'attente s'il voulait sauver son vaisseau. Ravotax, mon ami, c'est très bien de vouloir obéir aux directives des maîtres, mais ceux-ci ne pouvaient pas savoir que tu serais attaqué. Les maîtres savent tout. Tu as raison, mais ils ne peuvent pas prévoir que des étrangers se montrent hostiles et cercent à provoquer ta perte. Il faut donc que tu t'échappes afin de revenir ici et attendre leurs ordres. Car si tu es détruit, tu ne pourras plus remplir les missions qu'ils veulent te confier. Et ça, ce serait très grave pour tes maîtres. Tempête sous un crâne de métal. Pendant un court instant, le robot resta silencieux, comme s'il réfléchissait au problème moral que venait de soulever le mulot et qu'il lui posait un cas de conscience. Tendu à l'extrême, Dilt cherchait fébrilement quel autre argument il pourrait avancer. En arrière-plan, il percevait les ondes de choc des canons ennemis sur un écran défensif de plus en plus défaillant et il bouillait d'impatience à l'idée que Ravotax puisse ne pas prendre en compte un raisonnement qui lui paraissait logique. Puis, alors que son minicom de poignet lançait un signal d'appel, suivi de la voix de Mazas, « Reviens, l'émir. Son écran est en train de lâcher. » Ravotax 3 prit sa décision. « Passage immédiat dans l'espace linéaire. » le mulot castor n'eut pas le temps de se réjouir de son succès. La nef accéléra brutalement d'une manière démente. Et le fleuron de la milice fut projeté avec une extrême violence contre une des parois. Instinctivement, il essaya de se téléporter, mais la manœuvre avait été si soudaine qu'il échoua dans sa tentative. Un voile noir succéda au choc et il perdit connaissance. Sous les yeux éberlués de Steve et de Corton Noguez, la nef moissonneuse disparut subitement des écrans. « Bon Dieu! Elle a explosé !» s'exclama le copilote. « Non, sinon il y aurait des débris sur des kilomètres cubes. »« Mais alors ?»« Elle est passée dans la zone de libration. »« Impossible! Elle était quasiment à l'arrêt !»« Preuve que c'est possible pour un vaisseau robot !»« Et l'émir ?» s'écria Mazas. Il faut espérer qu'il aura pris ses précautions avant la transition. Sinon, il risque d'avoir été aplati comme une crêpe. Murmura le pilote. Mais ils n'eurent pas le temps de continuer à s'interroger sur le sort du mulot castor, car Corton les interrompit en criant. Il faut filer d'ici, car à présent tous les vaisseaux nous ont pris pour cible. Une salve de coups obus amena l'écran SH à saturation, et le halo vert commença à trembloter, laissant entrevoir des déchirures à certains endroits. « Feu à volonté et on dégage !» Les ordres du pilote furent suivis avec diligence. Et le cœur de Fumalo 2 accéléra de toute la puissance de ses moteurs, faisant vibrer dangereusement sa structure. En même temps, les armes offensives de la nef terranienne se déchaînaient, effectuant leur moisson sanglante dans les rangs ennemis. Quelques aiguilles tentèrent bien de le suivre dans sa fuite, mais il parvint sans mal à leur échapper et à quitter l'espace Einsteinien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Interrogea Kalec Voram, pragmatique. Steve eut une moue qui dénotait son incertitude, mais Mazas lui évita de répondre en interpellant le franc-passeur. « Tiromon, as-tu un contact avec la nef moissonneuse ?»« Aucun ! Mais dans l'espace linéaire, cela tiendrait du miracle. D'autant plus que nous n'étions pas en communication avec elle quand elle a disparu. »« Peut-elle nous contacter ?»« C'est possible, mais elle ignore notre fréquence. »« L'émir la connaît, lui. » objecta la Carzassienne. « Ouais, s'il est en état de la donner... » marmonna Corton, l'air sombre. « Tu ne connais pas l'émir. » lança la jeune femme, mais un léger fléchissement dans sa voix prouvait qu'elle aussi se faisait du mauvais sang pour le mulot castor. Quelques instants passèrent sans qu'un mot soit prononcé dans le poste de pilotage. Puis, Mazas s'anima. « Steph, il faut absolument retrouver la nef. » « Comment veux-tu que je fasse ? Elle a plongé en aveugle dans l'entre-espace. Nous avons fait de même quelque temps après. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où elle est allée. »« Nous pourrions peut-être retourner à notre point de départ et replonger dans la même direction qu'elle. » supputa-t-elle. « On ne sait même pas dans quel sens elle a fui. Cela s'est passé tellement vite que nous n'avons rien vu. »« Vous peut-être, mais pas la positronique. » « Naturellement. Tu as raison, comme toujours. »« Plus tard pour les flatteries, si tu veux bien, Steve. Il faut absolument retrouver l'émir, et le plus rapidement possible. » Déjà, les doigts agiles de Corton effleuraient à toute vitesse les touches de la console. Des symboles défilèrent sur l'écran, avant de ralentir et de se stabiliser sur un groupement numérique ponctué de chiffres et de lettres. Le copilote les recopia soigneusement sur son ordinateur et annonça. « Nous pouvons regagner notre continuum. J'ai les coordonnées de la plongée de la nef moissonneuse. Mais je me permets de vous rappeler que c'est la grouille d'astronefs mal intentionnés dans le secteur. » Sans dire un mot, Steve entama les opérations de résurgence de l'entre-espace, puis vérifia deux ou trois paramètres avant d'enclencher le système de retour dans l'univers einsteinien. « Activation de l'écran d'énergie au niveau 3 et feu à volonté dès l'émergence. » ordonna-t-il. Tout en procédant à sa manœuvre. Le cœur de Fomalhaut 2 réintégra le continuum, où sa réapparition inattendue prit totalement à l'improviste les noirs vaisseaux effilés qui patrouillaient à cet endroit. L'officier en charge de la console de tir, un descendant de Bois Brûlé du Manitoba, du nom de Chris Martin Fils, déclencha toutes les armes disponibles, crachant la mort sans interruption sur des adversaires qui s'égayèrent de toutes parts, mais le plus loin possible du champ de bataille. Profitant de cet avantage initial, ses moteurs lancés à fond, la sphère de Terkonite traversa le rideau défensif ennemi, bousculant et détruisant tous les opposants situés dans son rayon d'action. Apercevant quelques fuyards qui se trouvaient devant le vaisseau, mais que celui-ci rattrapait irrésistiblement dans sa course vers sa vitesse de libération, Maza songea qu'il ne possédait pas la moindre information sur les assaillants inconnus de la nef moissonneuse, à part le fait qu'ils étaient particulièrement agressifs et visiblement pas enclins au moindre dialogue. Aussi, sachant qu'ils allaient quitter le continuum einsteinien dans les secondes à venir, elle s'écria à l'attention de Steve. Essaye d'en capturer un avant de plonger dans l'espace linéaire. Le pilote était doté d'excellents réflexes et la jeune femme avait à peine terminé sa phrase qu'il passait à l'action et utilisait les grappins magnétiques pour attirer deux aiguilles contre les flancs de son appareil. Brutalement stoppées dans leur fuite éperdue, les petites nefs étrangères furent plaquées avec violence contre les parois de Terkonite. Puis, l'ensemble formé par le bâtiment terranien et ses prises de guerre bascula dans la zone de libération. Grâce à son passage quasi instantané dans l'entre-espace, l'astronef conçu par les mystérieux sauriens du millénaire auparavant avait réussi à échapper à ses assaillants à l'instant même où son écran défensif avait cédé. Mais c'était un géant gravement touché qui naviguait à présent l'aveuglette au sein du non-être. Au moment même où il avait ordonné le passage dans l'espace linéaire, Rabotax avait réalisé que la structure physique de l'émir ne lui permettrait pas de résister aux énormes pressions que son action allait générer, et il avait tenté de le protéger à l'intérieur d'une sphère immatérielle d'énergie créée par la dérivation d'une toute petite partie des flux gigantesques résultant de son opération désespérée. Mais malgré ses précautions, le malheureux Mulocastor fut soumis à l'influence de forces titanesques et seule sa combinaison spatiale lui évita d'être totalement écrasé. Dès que sa nef se stabilisa dans sa course folle, le robot commandant déclencha la venue de mécaniques spécialisées qui s'emparèrent du corps inerte de Lilt et le transportèrent dans une salle de soins qui n'avait sans doute plus servi depuis de nombreux siècles, depuis que le peuple des maîtres avait disparu. La morphologie du Mulocastor n'avait rien à voir avec celle des concepteurs de Rabotax, mais lors de leur première rencontre, le robot l'avait immobilisé à l'aide de rayons incapacitants et en avait profité pour faire ausculter ce petit être étrange qui avait utilisé un passage par la cinquième dimension pour pénétrer dans son vaisseau. Il possédait donc en mémoire toutes les caractéristiques du natif de Perdita. C'est pourquoi les radios et les scanners qui furent effectués indiquèrent parfaitement au médecin de métal l'étendue des dégâts et les innombrables fractures dont il souffrait. Comme passer sous un rouleau compresseur, auraient pu conclure les robots s'ils avaient eu connaissance de cet engin. Heureusement, pour avoir eu parfois à son bord des maîtres ou certains de leurs serviteurs, la nef était équipée d'un bloc médical suffisamment sophistiqué pour que la plupart des races connues puissent y être soignées. Le matériel à leur disposition permit donc au robot médic de débuter la réparation de l'infortuné fleuron de la milice. Sur un écran apparut le squelette brisé du patient. Des incrustations brillantes signalèrent toutes les ruptures des os. Des taches sombres indiquèrent les poches de sang qui s'étaient formées sous l'effet d'hémorragie ou de lacération des tissus par des esquilles osseuses. Un chant grave s'empara alors du corps et le déposa doucement dans une cuve remplie d'un liquide bleuté. Une sphère métallique, hérissée de tentacules, flotta et s'immobilisa au-dessus du blessé, et plusieurs de ses pseudopodes émirent des pinceaux lumineux qui vinrent se poser sur les endroits où se trouvaient les fractures, en suivant fidèlement les images anatomiques sur l'écran. Les os cassés se rapprochèrent lentement jusqu'à reprendre leur forme initiale, et lorsqu'ils furent au contact, un processus débuta qui devait leur permettre de se ressouder. Le sang qui s'était répandu dans le corps et s'était accumulé dans des poches naturelles commença à se résorber et le liquide revitalisant dans lequel baignait Lilt contribua à sa régénération. Tandis que les différents processus de guérison entraient en action, l'émir était toujours sans connaissance. Plusieurs heures passèrent. À intervalles réguliers, les machines médicales se penchaient sur l'Homulo Castor, le palpaient, le sondaient, effectuaient des prélèvements qui étaient soumis à des tests divers, sans résultat visible. Un médecin terranier aurait carrément commencé à désespérer, mais pas les aides de Rabotax qui poursuivirent inlassablement leurs efforts. Finalement, ceux-ci furent couronnés de succès. Un soupir s'échappa des lèvres de l'émir. Et sa poitrine frémit sous ce souffle si attendu. Tout naturellement, le robot médic transmit l'information à son commandant sous forme de signaux codés. Une dizaine de minutes plus tard, le mulot castor ouvrit les yeux. Cependant, il se sentait horriblement las, sans la moindre énergie. Une tasse de boisson énergétique fut amenée jusqu'à ses lèvres et il put la boire jusqu'à la dernière goutte. L'effet fut presque instantané et il eut l'impression que ses forces revenaient progressivement, à tel point qu'il tenta de s'extirper du liquide régénérateur, mais ne put arriver à ses fins qu'avec l'aide d'un robot. Il fut séché, enveloppé dans une couverture chauffante, avant d'être installé dans un fauteuil. Il sentit bientôt des flux d'énergie le parcourir, dopant les organes qui avaient été touchés lors de son accident. Avec précaution, il se redressa, s'appuya sur les accoutoirs du siège et se leva. La tête lui tourna et il ferma les yeux. La sensation désagréable cessa aussitôt. Comptant lentement jusqu'à 20, il entr'ouvrit alors un œil et, constatant que tout se passait bien, ouvrit l'autre. Il enfila la combinaison qui lui était tendue par un serviteur mécanique et, une fois habillé, estima qu'il allait à nouveau tout à fait bien. Il essaya de faire quelques pas à travers la salle de soins et il s'aperçut avec plaisir qu'il n'éprouvait plus le moindre problème. Son esprit blagueur reprit le dessus et il s'adressa à la rangée de machines sans âme qui se tenaient près de lui. « Salut les copains. Si l'un d'entre vous pouvait avoir la gentillesse de me raconter tout ce qui est arrivé depuis que je suis tombé dans les pommes... » Bien évidemment, aucun de ses vis-à-vis ne répondit à sa question. Le mulot castor haussa les épaules en disant « Si vous êtes muet, devez m'adresser à Rabotax. » Il venait à peine de terminer sa phrase que le commandant se manifesta. « L'émir, je viens d'apprendre que les soins que tu as reçus t'ont permis de poursuivre ton existence. Les premières constatations concernant ton état laissaient pourtant craindre une désactivation définitive. » Le sauveur de l'univers faillit s'étouffer. « Désactivation définitive ? Par la tignasse de Bully, que m'est-il donc arrivé ?» Lors du passage dans l'entre-espace, ta structure fragile a été écrasée par les forces de pesanteur et il a fallu te reconstruire. Structure fragile, reconstruire ? Ma parole, on est en plein délire ! Attends, je viens te rejoindre, tu me raconteras tout ça. Lid se concentra sur le poste de pilotage et ne bougea pas d'un pouce. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le premier chapitre de Mazas Pavel, Un monde en héritage d'André Bory. Nos interprètes, K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe dans les rôles de Stevomir Ersing et Tiromon, Ezwa dans le rôle de l'émir, Kael dans les rôles de Corton Norgez et Kalek Voram, Gabriel Jean dans le rôle de Rabotax 3 et Christian Martin à la narration. L'histoire appartient à l'auteur et est protégée par copyright. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons et est une production 2010 des Éditions de l'Avenir. Pour tout savoir de nos productions, rendez-vous sur l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt. suite de l'entrevue réalisée live par Skype samedi le 1er février dernier avec André Bory, l'auteur de Mazas Pavel, et sa compagne Marie-Christine Bussière. Ils nous parlent de leur implication dans le club Basis, club français consacré à la série de science-fiction Perry Rodden. Bon, ok, si tu me parlais de ton implication chez Basis, outre les Mazas qui étaient dans les Basis hors série, tu fais quoi? Alors, au départ, dans Basis, je faisais pas grand-chose, à part, à part les nouvelles, les Mazas. Et en 2005, on est allé à Garching. Et là, je me suis retrouvé, j'ai été plébiscité pour faire partie du CODIR, du comité de direction de Basis. Ah. Et donc, j'étais chargé de m'occuper des contacts avec les Allemands. Ok. Et Marie-Christine, elle s'occupait de toute la, tout ce qui était récupération des chèques. Ça, c'était quand même. Les abonnements. Les abonnements, elle était. C'est pour ça que je suis allé la voir, parce que c'était intéressant. Tu vois. et donc, chacun avait son petit boulot dans ce CODIR. Et Claude, à l'époque. Je sais pas ce qu'il faisait, mais enfin, il était en pleine panade, et disons que pendant 2 ou 3 ans, pardon, il s'est quasiment pas occupé de Basis, qui était tenu à bout le bras par Michel Vanreux et Pierre Monneret en particulier. Pour Basis, actuellement, si tu veux, personnellement, je fais les éprobes, tous les traductions de chapitres. Les chapitres qu'on a le droit d'éditer, les Allemands, tu sais, pour chaque roman, ils te donnent un chapitre gratuit que tu peux traduire, enfin traduire ou lire. C'est pour attirer le client. Ok. Et donc, on a les droits pour ça. Donc, pour chaque Basis, je lui traduis un chapitre d'un néo. Ok. J'ai aussi fait quelques interviews d'auteurs allemands. Oui. T'en as pas une en cours ou bien qui vient d'être faite? J'ai vu ton message sur. Oui, il y en a. Ben oui, il y a Fröhlich là qui doit me répondre encore. Il m'a pas encore répondu, mais. Enfin, si, il m'avait répondu en me disant laisse-moi 15 jours, 3 semaines, parce que là, je suis overbooked. Mais si dans 3 semaines, je t'ai pas donné signe de vie, tu m'envoies une petite piqûre de rappel. Alors, une piqûre que je referai la semaine prochaine s'il a pas répondu. Les gens posent des questions et puis. Mais c'est pas mal de cette histoire. C'est aussi une idée de Marie-Christine, elle a beaucoup d'idées comme ça. Elle m'avait dit, tu pourrais peut-être voir avec les auteurs allemands. Ben oui. Et donc, on s'était dit que c'était effectivement une bonne idée. Et puis là, on en a fait deux déjà. On a fait Montillon et Schbach. Il va y avoir Fröhlich. On va essayer d'avoir Marie-Hélène. Et puis on va essayer d'avoir Vérenia quand même. Quand tu dis on, moi, c'est pas ça. Et puis tu me donnes des idées de questions. Parce que il faut que les gens me posent des questions que moi je traduis. Uh-huh. Et que je lui renvoie. Et ensuite, il m'envoie tout en allemand et je retraduis en français. Et je le remets dans Basis. C'est quand même beaucoup de travail. C'est pas mal de travail, c'est vrai. Ouais. Et puis, toujours à cause de Marie-Christine. Allons bon, je me mets tout sur le dos. Oui, oui, oui. Il y a quelques temps, dans Basis, elle avait vu qu'il y avait une série allemande de d'Atlan où on parlait du fils d'Atlan qui s'appelle Chapat. Oui. Elle m'a dit, ce serait quand même bon de savoir ce que c'est que ce chapat. Alors on a cherché, on n'a rien trouvé. Du coup, j'ai pris contact avec mes copains allemands et je leur ai demandé s'ils connaissaient ce chapat là, en Allemagne. Et du coup, ils m'ont envoyé de la doc phénoménale. Et je me suis dit, je vais la traduire comme ça, en style feuilleton, si tu veux, ouais. dans Basis. Et en fait, ça correspond à une dizaine de heft d'Atlan. Ok. Donc, traduire les heft, c'est beaucoup trop complexe. Donc, je fais un résumé des heft. Mais ça me prend assez de temps parce que je suis déjà obligé de lire au moins en diagonale pour savoir un petit peu où je vais. Uh-huh. Avant de. Donc, Claude, quand j'en loupe un, il me rappelle, pas eu de Mazas, ça va être chapate. Bon, ben, je crois que là, j'ai fait le tour de ce que je fais pour Basis. Mais là, ça, c'est ton implication auprès de la revue. Mais il n'y a pas les salons avec les... Ah, oui. Ah ben ça, nous avons des salons et c'est même nous qui possédons le stand. Oh. Donc, on est de tous les salons, aussi bien en Allemagne qu'en France. Donc, le dernier où on était, c'était à Sèvres, le 14 décembre. On en a un prochain à Bagneux, le 6 et 7 avril. Après, on ira peut-être à Amiens pour le 41e convention de la science-fiction française. Okay. 41e année. Okay. Oui, ça c'est ce qui est dans les tuyaux actuellement. Au mois de décembre, on était allé faire un tour en Allemagne, en Alsace, pardon, excuse-moi, où il y avait une convention de science-fiction qui nous avait été présentée par un copain qui habite là-bas. On est donc allé à Turckheim avec Marie-Christine, on a fait connaissance avec le responsable de la convention. On a trouvé que c'était sympa et il est probable qu'on y participera l'année prochaine, enfin cette année, en 2014, ce qui nous fera un salon de plus. Si vous cumulez là, tous les deux le nombre d'heures que vous consacrez à Basis en général, avec les conventions, les salons, les traductions, les rédactions d'articles, les entrevues, ça vous fait combien? Moi, je donne les idées, hein. c'est spontané. Oui. Après, c'est André qui bosse dessus. C'est difficile à quantifier. Hein. Honnêtement, je serais incapable de te répondre de ce côté-là. Pour l'Assemblée Générale de Basis aussi, on prévoit largement à l'avance parce qu'on fait des animations. Ah oui. On fait en sorte que les gens s'amusent. C'est-à-dire qu'une Assemblée Générale, c'est sérieux. Mais en même temps, c'est sur 2 jours, on ne peut pas être sérieux 2 jours d'affilée. Non. Donc, on prévoit des animations amusantes. L'année dernière, on avait prévu. Les gens devaient passer un diplôme. Mais je crois que je ne t'avais pas envoyé un diplôme. Oui, tout à fait. Tu avais envoyé un diplôme, oui. Voilà, donc devait avoir un grade, mais pour avoir ce grade, il fallait avoir des points. Il y avait 4 épreuves. Oui, c'est ça, il y avait 4 épreuves. Donc on tirait. Alors qu'est-ce qu'il y avait déjà? Il y avait des fléchettes, mais des fléchettes qui collent, hein, pas des fléchettes avec une pointe. On devait aussi faire glisser un palais pour passer à travers. Ce qu'on a appelé des planètes, c'était un peu comme si un vaisseau devait arriver à telle destination en évitant de s'écraser sur une planète. Voilà. Et puis, on avait une carte aussi, une carte d'état-major, qui était de la région où habitait Claude. Et on lui avait demandé de nous écrire des noms de patelins. On les avait, nous, c'était nous qui n'avions pas. Et puis, on les avait mis dans un endroit, donc... Les gens tiraient. Et donc, il fallait que, dans un laps de temps donné, ils trouvent où était le patelin en question. Et il y avait des points aussi. Il y avait des points. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On avait fait un message en morse. Ah oui, on avait créé un message en morse. Et il fallait le traduire en ayant l'alphabet. Ok. Et après, tu donnais le nombre de points que tu avais gagné. Alors, tu étais soit lieutenant... c'était sergent le premier. Sergent, capitaine... Lieutenant-colonel, colonel, général et amiral. Et on a eu un amiral. On a eu quelqu'un qui a vraiment gagné un nombre de points. Il avait tout, ouais. Waouh. Ah ouais, c'était... Et où j'étais très étonné, je me suis dit que ce qui allait les coincer tous, c'était le message en morse. Et ben, il y en avait 5 ou 6 qui connaissaient le morse par cœur et qui avaient terminé quasiment avant qu'on ait déposé les feuilles. Waouh! Ça doit être rare de nos jours. Effectivement, c'est étonnant, 5 ou 6. Ah ouais, alors là, j'étais vraiment étonné. J'exagère peut-être 5 ou 6, il y en a eu bien 3 ou 4. Ouais, ouais. Qui était très rapide. Hein. Il y avait Jacques Lesquin, entre autres. Lui, je le voyais. Non, j'attends. Oui, mais quand tu. Alors que moi, je m'étais fait suer. Ça demande du temps de préparer ça. Et donc, on prépare celui de la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu au mois de juin. Okay. Donc là, il faut déjà qu'on prenne le matériel et puis qu'on commence pour amuser un peu les gens sur les deux jours. Ah, on a oublié de dire aussi qu'on organise des repas à peu près tous les trimestres, environ. C'est pas très régulier non plus, pour justement qu'il y ait une cohésion au niveau du club, Basis, et pour que les Basiciens, bon là c'est les Parisiens parce que les autres ils habitent un peu trop loin, mais on organise des repas d'une vingtaine, 22 personnes, on a été jusqu'à 25 je crois. Et donc c'est nous sommes les cuisiniers et on fait des repas. Alors on se tient à 5 € par mois. On est monté à 6. On est monté à 6, pardon. Et voilà pour cette deuxième partie de l'entrevue réalisée avec André et Marie-Christine. Suite et fin le mois prochain. La musique accompagnant l'entrevue est de Kevin MacLeod d'Incopetech.com. Voici maintenant ce que nous avons mis en ligne au cours de février dans le cadre des nouveautés audio des éditions de l'Avenir. Le 6 se vit Conversation des Ross avec Charmion, d'Edgar Allan Poe, interprété par Gabriel Jean. Et le plus énergique de la nature. L'azote, au contraire, était impropre à entretenir la vie ou combustion animale. D'un excès anormal d'oxygène devait résulter, cela avait été vérifié, une élévation des esprits vitaux semblable à celle que nous avions déjà subie. C'est l'idée continuée, poussée à l'extrême, qui avait créé la terreur. Quel devait être le résultat d'une totale extraction de l'azote? Une combustion irrésistible, dévorante, toute puissante, immédiate. Le 13, nous vous présentions la deuxième partie de la relation de 1611, des relations des Jésuites. La police et le gouvernement des sauvages. On ne peut avoir plus de police que de communauté, puisque police n'est autre que l'ordre et le régime de la communauté. Or, ces sauvages, n'ayant point grande communauté, ni en nombre de personnes, puisqu'ils sont rares, ni en biens, puisqu'ils sont pauvres, ne vivant qu'au jour et la journée, ni en lieu et conjonction, puisqu'ils sont épars et vagabonds, ils ne peuvent avoir grande police. Le 20, nous mettions en ligne les 4 articles composant la page 1 de l'édition du 15 septembre 1883 du Poiret de l'Est. De 1000 détails sur les splendeurs des cours. Qu'on nous montre les diplomates ou les penseurs qui appellent l'attention de notre grande République sur l'imposant spectacle de cette noble France, élevant de jour en jour, avec plus de persévérance et de succès, le magnifique monument de son gouvernement populaire, bien au-dessus des gouvernements aristocratiques, monarchiques ou despotiques qui l'environnent. Et le 27, c'était la version audio des résumés des aventures de Perry Rodden, cycle 1, fascicule 30 à 39, tel que rédigé par Michel Van Rue. De nombreux passeurs trouvent la mort, et quantité d'autres, épouvantés par l'ombre de Rodden, quittent le système avec leur cargo. L'Astrée 2 et la flottille terrienne, les Cat, l'Hélios et le Centurion, s'éloignent prudemment. Les mutants essaient de quitter la planète à bord du Lev 14, mais le vieux vaisseau ne fait pas le poids et est rapidement abattu. En terminant, l'émission que vous écoutez est disponible sur la page qui lui est consacrée sur Canal Blog, l'avenirpodcast.canalblog.com, ainsi que sur SoundsMap, en transition sur Podomatic, l'avenir.podomatic.com, sur Podcast France, via le Miro Guide et depuis peu chez Radio H2O à radioh2o.ca qui, par ailleurs, diffuse notre émission sur leurs ondes les samedis et dimanches de 17 à 18 heures, heure de l'Est du Canada. Vous nous retrouverez également sur Twitter à l'Avenir Audio, ainsi que sur Google Plus sous Christian Martin. Nous sommes également sur Pinterest à pinterest.com/l'Avenir Audio. Et voilà, ainsi se termine cette 17e émission de la deuxième série du podcast des éditions de l'Avenir. Merci de votre attention, à bientôt.